Les coquillages, on entend la mer. It's a funny thing, you know, but I've noticed it quite often. People don't hear the thing they're not expecting to hear. Les cuicuicuis et les glouglous, les cocottes et les miaou, tous ces petits bruits du colis font l'effet d'un soporifique. Moi j'aime le bruit c'est ma vie. Le bruit c'est ma seconde nature, c'est lui ma seule villégiature, et je ne respire le grand air au volant de mon bulldozer. Bonjour. Bonjour et bienvenue tout le monde à cette première émission de Radio Création, Radio ENSAC, à l'occasion de la 13e édition de l'École d'hiver sur les ambiances sonores. Je me présente, je suis Jules Macoisan, médiaticien au Création, et nous allons passer cette heure et demie à vous raconter l'histoire et le cheminement de ce laboratoire de recherche en architecture, au pluriel. Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, le cresson n'est pas seulement une petite herbacée vivace de la famille des brassicacées, mais l'acronyme approximatif du Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Pour vous raconter cette histoire, nous avons invité quelques-uns de ses acteurs et actrices, à commencer par ordre d'apparition, Grégoire Chelkoff. Bonjour Grégoire. Bonjour. Grégoire Chelkoff, au début des années 1980, était un de ces deux étudiants qui a subi le cours de Jean-François Goyard et de Jean-Jacques Delettré, dont on vous a parlé ce matin. Plus tard, il est devenu chercheur, enseignant. Il a développé beaucoup de choses, beaucoup de recherches, et notamment toujours en gardant un ancrage dans l'architecture et dans le son, la plupart du temps, dans la plupart de ses recherches. À côté de lui, Pascal Anfou, qui est arrivé un petit peu plus tard, de l'architecture, de la géographie, si je me souviens bien, de Suisse aussi. Et il s'est très vite intégré, il a aussi mené pas mal de recherches, et il est devenu, je dirais, un des formalisateurs de ces recherches, je dirais, un des principaux théoriciens dans les années 90, notamment dans ses recherches autour de l'identité sonore des villes et d'autres, dont on parlera peut-être dans cette émission. À côté, Théo Marchal, qui est une générale. Oh, non, plus loin. Nicolas Tixier est arrivé aussi dans les années 90, étudiant en architecture. Il a soutenu sa thèse à Cresson et puis il est devenu aussi enseignant, chercheur, directeur à une époque. Et il développe des tas de recherches, dont certaines autour du son, mais aussi dans plein d'autres domaines. On en reparlera aussi. Génération suivante, Théo Marchal, à qui je passerai la parole pour animer le débat un peu plus tard. Il vous en parlera. Bonjour. Et puis nos deux dernières recrues, Marc Eguin et Lolita Voisin, qui viennent d'intégrer, Lolita vient d'intégrer, je crois, en décembre ou en janvier. Bonjour, Lolita. Bonjour. Et Marc est déjà dans le circonférence de Cresson depuis 2-3 années. Il est aujourd'hui plus ou moins intégré, on va dire, un anthropologue et une paysagiste. Bonjour. Sur ce, pour entrer directement donc dans la matière, dans les thématiques qui ont suscité ces questions de recherche du Cresson, on vous propose d'écouter directement trois extraits sonores. Un qui parle de la dimension acoustique, un autre de la dimension de la construction et le troisième de la dimension sociale et culturelle. Première écoute donc. Le micro est au niveau du premier rang. Je suis au niveau du troisième rang. C'était l'amphithéâtre numéro 5 de l'Université des sciences sociales de Grenoble. No. J'aime bien. De toute manière, finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une espèce d'escalade du bruit quand on a marre. Ah ouais, c'est-à-dire la télé qui est plus fort. Truc plus fort. Tu vois. Alors si les gens sont emmerdants, ils montent leur machin, tu montes, etc. Ouais. Ça devient vraiment insupportable. Ça s'est pas trop fait ici. Je crois que les voisins du dessous sont italiens. La télé vraiment très fort. Ouais, c'est-à-dire, ils ont, tu vois, pour eux, c'est pas le même niveau sonore que de vie. Ils vivent à un niveau sonore vraiment supérieur. Pourquoi passer sur italien? Ouais. Bah t'es déjà allé en Italie? Je suis, mais... Ouais, t'as entendu le bruit? C'est autre chose qu'ici. Ouais. Ici, ça fait silencieux à côté. Enfin, c'est pas les mêmes bruits, quoi. C'est pas des bruits de vie. Et tu les connais, les voisins, toi? En dessous, pas très bien, mais... Au passage, moyen, comme ça. Ouais. Je pense, mais je... Oula, contrite. Et les oiseaux, tout ça, les bruits d'oiseaux, ah, c'est super, ça. T'entends ça? Ouais, il y a plein de pigeons, tu vois, puis il y a le Saint-André. Ah ouais, il y a les cloches Saint-André aussi. Ah, t'entends ça, tu l'entends? Bah, ça dure 10 minutes, alors tu peux pas le mal rater. Et c'est quand, c'est le dimanche? C'est le dimanche matin à 10h, 10h15, ça dépend, c'est pas très très chic, c'est la question. Le samedi à 6h. Mais ça te plaît? Enfin, ça... Moi, j'aime bien, je trouve ça super beau. Les sons des cloches, c'est très très beau, les sons des cloches. Puis en fait, ça, il y en a plus tellement, tu vois, ils ont été fondus pendant la guerre beaucoup. Ouais. Pour faire des trucs, tu vois. Alors, il n'en reste pas tellement, puis il n'y a pas beaucoup d'ateliers de fonderie de cloche. Je crois qu'il y en a un ou deux en France, pas plus, tu vois. Oui, il n'y a pas qu'il y a. Puis c'est toute une technique, tu vois. Ouais. C'est beau, moi j'adore ça. Tu sais, j'ai des petites clochettes ici, j'aime trop ça. C'est vrai. Alors, quand t'entends le clocher, c'est, moi je trouve ça très profond, tu vois. C'est, je sais pas, c'est vraiment une émotion. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci à Jules pour cette introduction, pour la présentation de tout le monde autour de la table. Alors déjà, je commençais par dire que cette émission, elle inaugure le futur plateau radio de l'École d'architecture de Grenoble. Et pour cette inauguration, cette pré-inauguration, comme on l'a dit tout à l'heure, on vous propose une sorte de parcours chronologique qui va explorer l'histoire du laboratoire Cresson à travers le prisme du sonore. Alors évidemment, il est impossible en 1h30 de couvrir l'ensemble de l'histoire du labo. Et ça sera donc une sélection volontairement incomplète, on va dire, et qu'on vous invite d'ailleurs dans le temps imparti, mais si vous avez des choses que vous voyez indispensables, qu'on vous invite à compléter et à interroger, à enrichir si besoin est. Alors, Grégoire et Pascal, vous nous accompagnez là toute la soirée et pour commenter, compléter les choix qu'on a pu faire sur cette histoire, et je voulais commencer tout de suite avec vous en vous posant une question. Alors, une question pas si simple, mais qui permet peut-être de lancer la discussion. Cette question pas si simple, c'est pourquoi le son? Si je complète, pourquoi à ce moment-là s'intéresse-t-on au son dans une école d'architecture? Grégoire? Ouais, volontiers. pourquoi on s'intéresse au son? Parce qu'on s'intéressait beaucoup à l'image. En fait, c'est vrai que l'époque des années 75, 79, parce que le séminaire qui nous a initiés à ça, il s'appelait exactement... c'était Espace sonore et imaginaire spatial. Et donc, ça, c'était le titre qu'avait donné Jean-François à ce séminaire. On était 4 étudiants. L'activité devait être cessée. Parce qu'en dessous de 7 étudiants, normalement, la règle est d'arrêter les activités. Mais l'époque était une certaine générosité, et donc elle avait continué. Voilà. Mais pour revenir à la question, pourquoi le son? Parce que c'était quelque chose qui... on s'interrogeait beaucoup à cette époque-là, quand même, moi je crois, enfin, de mon côté en tout cas, sur la visualité, enfin le... cette question-là, et tout à coup, voilà que débarque une dimension à laquelle on passait un peu pour des étrangers, ben, carrément, qui apparaît qui à travers celle du son, et qui permettait effectivement d'interroger à la fois le cadre et le contenant, je voudrais dire ça comme ça, c'est-à-dire ce qui était habité et ce dans quoi on habitait. En même temps, très déroutante comme question... puisque quand même, il faut préciser aussi que les acteurs du son de l'époque qui s'intéressaient beaucoup aux oiseaux, Jean-Claude Rocher, on avait rencontré dans l'Uberon, ou des gens qui travaillaient à partir de la musique sur les sons naturels, Knut Victor, peut-être pas oublier ça, était centré sur des univers non construits, enfin, au sens de l'architecture, au sens de l'urbain, au sens des matières qui nous interrogeaient à l'époque. Donc le son aussi, peut-être, c'est un choix personnel, c'est une dernière chose, une attirance très personnelle aussi, sur un univers qui est celui-ci, à travers d'autres écoutes qui peuvent être liées à la musique, à l'histoire ou à d'autres choses comme ça, qui nous traversent chacun de manière très différente. Bon, mon grand-père chantait l'opéra, alors voilà, peut-être que... D'accord. Pascal, tu veux... Oui, moi, j'ai fait de l'opérette, donc mon grand-père, c'était pas l'opéra. Donc moi, c'est ma raison pour laquelle je suis venu ici. J'ai essayé de chanter des chansons pendant 40 ans, hein, c'est ça ? Pas loin, je crois. Non, moi, je suis arrivé... je suis pas un petit enfant de Jean-François Augoyard. Moi, j'étais extérieur, mais Jean-François Augoyard m'avait chopé dans un colloque, quoi. Et puis, quand j'ai eu des gros ennuis universitaires et tout ça à Genève, là, il ne m'a pas raté et il m'a embarqué. Et je suis arrivé 2 ou 3 ans, je crois, après la création des choses. Et alors, par rapport à la question, pourquoi le sonore ? Je crois que le visuel dans une école d'architecture, même si je n'étais pas à la création même, il y a une espèce de force de cette thématique-là par rapport à la démarche architecturale. Et à l'apprentissage de l'architecture, qui est le dessin et qui est réputé purement visuel, quoi. Donc il y a une espèce de contrepoint qui est de toute façon intéressant et qui est presque indépendamment de l'époque, quoi. Par contre, il y a une époque aussi. Et cette époque, pour moi, je venais d'avoir fait 5 ans de recherche en écologie humaine. Et l'écologie humaine, on ne savait pas très bien ce que c'était. J'étais à l'Université de Genève. C'était une association entre 8 universités. Et l'hypothèse de cette époque-là, pour dire Genève, une institutionnalisation de la notion d'interdisciplinarité. Et donc c'est le moment de Traverse à Beaubourg, c'est le moment de Michel Serres, c'est le moment où il y a un grand, grand, grand engouement et des efforts très importants qui sont faits pour croiser des disciplines de champs différents. Le sonore, bah, top là, quoi. C'est un objet immédiatement, on comprend tout de suite que ça touche absolument tous les champs possibles et imaginables. Et c'est une des réussites absolument formidables de la rencontre entre un philosophe et un acousticien, les deux créateurs, qui ont tout de suite convoqué 2 jeunes archis. Puis moi, j'avais fait de la géographie, mais je sortais d'autres disciplines, etc. Et puis Jean-Pierre Audion, qu'on a entendu, qui était l'acousticien qui faisait les claques à la radio. Et tout de suite, la micro-équipe, après 3-4 ans, il y avait 7 ou 8... personnes de cultures disciplinaires différentes. Donc une interdisciplinarité active, et l'objet sonore était une évidence pour ça. Donc c'est un peu l'ambiance de l'époque. Autre élément, alors plus local, Grenoble était le siège de la sociologie, l'anthropologie, la philosophie de l'imaginaire. Gilbert Durand, qui était prof ici, Pierre Sansot, Jean-François Augoyard était un enfant de Pierre Sansot, avec Henri Torgue aussi, qui nous a rejoint après, avec Yves Chalas, etc. Et donc, à Grenoble, il y avait vraiment cette dimension de l'imaginaire qui était totalement originale dans la production francophone, pas seulement en France, quoi. Donc, c'est un autre élément de contexte, quoi. Puis après, perso, j'ai dit mon grand-père, voilà, quoi. Très bien. Donc, on a tous passé par l'opéra et l'opérette. Et je crois que, en fait... Et par le cinéma, j'ai oublié. Plus important, le cinéma. Ouais. Donc, l'image, quoi. Moi, j'avais fait, avant de faire architecture, j'ai fait un an de cinéma, d'études en cinéma, où le son et le rapport entre le son et l'image était évidemment... questionnant. Ok, merci. Mais c'est vrai que comme ça vient d'être dit, et d'ailleurs on l'a entendu dans les 3 extraits qu'a sélectionné Jules, le fait qu'à travers un même objet sonore, on peut croiser différentes approches et les mises en avant de l'acoustique, de la dimension constructive, la dimension socioculturelle, etc., peuvent être croisées autour d'un même objet. Et donc c'est là que naissent pas mal de choses, effectivement. Est-ce qu'il y a des compléments autour de la table ou sur ce sujet ? Oui, est-ce que ça a été facile au départ de vous coordonner autour de cet objet ? Très facile. En fait, la coordination, elle est arrivée après, je veux dire. En fait, c'est vrai que la première recherche dans laquelle nous avait impliqué Jean-François, c'était sonorité, sociabilité, urbanité. Donc elle exprimait déjà cette idée de croisement entre de l'espace qu'on pouvait étudier du point de vue physique, et ça c'était extrêmement important par l'apport de Lettré qui était acousticien, donc par des expérimentations effectivement de claps, de pistolets. Aujourd'hui ce serait quand même très difficile de tirer des coups de pistolet dehors, mais bon, on a pu le faire pour confronter ces espaces à à ce qu'ils ont d'acoustique. Et puis, des pratiques et des vécus qui, eux, s'installent dans ces espaces. Donc, il y a, dès le départ de cette étude, ce croisement-là. Après, c'est vrai que l'effet n'existait pas encore. Il est né à ce moment-là, mais pas exprimé de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on avait cherché une manière d'exprimer cette chose. Et ensuite, a été, systématiser un petit peu ce séminaire autour des effets sonores qui a permis effectivement de contraindre chacun à dire ce qu'il pouvait tirer de tel ou tel effet. Voilà. On y reviendra sans doute. Oui, je voulais insister là-dessus, c'est-à-dire que moi j'ai répondu très facilement, quoi. Et vraiment pas très facilement parce que l'objet en soi, chacun peut avoir quelque chose à dire sur le son. À l'écoute de n'importe quel fragment à partir de sa discipline. Mais l'astuce du point de vue théorique, ça a été quand même le basculement de l'objet, et qui était théorisé par Pierre Schaeffer, les musicologues, etc., l'objet sonore, à la notion d'effet sonore, qui est l'invention conceptuelle de Jean-François Gouillard, et qui nous a tout de suite mis, et on a mis à plat, en disant un effet sonore, effet, c'est l'effet causal, donc un sens physique d'acoustique, et puis c'est l'effet sensible, parce que si je tape sur la table, on sursaute tous. Et on ne peut pas faire. Et donc la notion, on doit l'utiliser dans ce double registre-là. Et puis on va couvrir des champs disciplinaires différents. Et donc là, ça a été ce jeu d'écoute à 7 ou 8 autour d'une table pendant 2 heures de séminaire. Moi, je sais ça, etc. Et de construire les effets de cette façon-là. Donc c'était une interdisciplinarité en acte. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur cette question de l'effet, mais avant ça, peut-être aborder quelque chose qui est présent toujours encore aujourd'hui, mais qu'il était d'autant plus à l'époque quand on parlait de son, et notamment de son dans les espaces habités, c'est la question de la gêne. C'est un des aspects qui revient fréquemment quand on aborde le son, et notamment son usage, son lien avec l'espace. Donc la gêne, c'est quand des situations où le son peut devenir intrusif, dérangeant, conflictuel, etc. Et par rapport à ça, une des postures du laboratoire, c'est justement d'aller au-delà de la question de la gêne quand on parle de son, et aussi d'aller au-delà du décibel. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là, dans le contexte à la fois, on va dire, à la fois scientifique et social de l'époque, d'aller au-delà de la gêne si on parle de son? Est-ce que c'est vraiment une des postures du laboratoire? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? C'était le sujet. Non, mais c'est vrai, c'était le sujet, parce qu'en fait, tout était abordé sous ce concept-là, la gêne. La gêne due au bruit, il y avait des rapports énormes sur ça, donc il y avait des gens du CSTB, Dominique Aubray déjà, qui était sociologue au CSTB, qui avait fait un rapport là-dessus, il y a eu des grosses... Voilà, mais en mettant un petit peu en question cette notion-là. Après, c'est vrai que la notion qualitative était quand même plus intéressante pour nous, du point de vue général. Mais mais c'était extrêmement difficile, toutes ces enquêtes, là, quand on entend, je trouve bien l'extrait de l'enquête, extrêmement difficile d'aller vers les gens. On va parler du son. Ah, déjà, on n'emploie pas le terme de bruit. Ah, ouais. Mais les gens reprennent le terme de bruit et recentrent sur le bruit. Donc, c'est tellement tenu par ça qu'il est très difficile d'en sortir. À la limite, on ne va pas parler de son, on ne va pas parler de bruit, on va parler de la vie. Bon, enfin, je veux dire, je résume vraiment très brièvement, mais ces entretiens-là étaient extrêmement difficiles à faire à partir du moment où, effectivement, on était enfermés dans un cadre qui était défini par, on va dire, l'ensemble de la culture, de je ne sais pas quoi, des médias, et qui fait qu'on ne peut pas en sortir. Et donc, prendre des... Et c'est là où l'art de l'entretien, ça, c'est vrai que c'était extrêmement difficile pour nous, mais... en même temps très instructif, parce que du coup on découvrait beaucoup d'autres choses qui nous parlaient peut-être plus de la vie telle qu'elle pouvait être vécue. Justement, c'est la transition parfaite avec la suite, merci Grégoire. Je voulais justement parler un petit peu de ce qui fait aussi, ça a été un petit peu abordé ce matin par Théa Manola, mais ce qui fait une des identités du laboratoire aujourd'hui, c'est aussi ses méthodes. Et ça vient aussi en partie du fait que partir du son, travailler avec le son, ça implique de réfléchir à des manières de faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ces manières de faire, ces nouvelles méthodes qui permettent d'étudier et de penser ces phénomènes sonores dans l'espace, pardon, et puis avec les usages. Et là, je m'adresse de manière un petit peu plus large à toute la table, mais vous pouvez bien sûr répondre, hein, mais s'il y a d'autres envies de réponse, elles sont les bienvenues. Nicolas, peut-être tu veux réagir. Ben oui, ben, les méthodes, ça a été, je crois, enfin moi, j'ai connu le Cresson comme étudiant. Et les méthodes, c'est tout de suite ce qui nous a parlé aussi très clairement, parce que ça nous permettait d'aller sur le terrain, ça nous permettait d'enquêter. Comment est-ce qu'on fait quand on va sur le terrain, qu'on enquête ? Eh ben, du coup, là, on avait toute une panoplie d'outils, que ce soit les parcours commentés, par exemple, hein, ou en faisant marcher quelqu'un, on recueille sa perception, que ce soit l'écoute réactivée, où on fait écouter des sons à quelqu'un qu'on a enregistré et on lui demande de revenir sur ce qu'il écoute. Et en général, ce qu'il écoute, c'est son propre quotidien, ses propres espaces. Que ça soit aussi des méthodes d'expérimentation in situ. Grégoire est là, il en a beaucoup fait. C'est-à-dire comment est-ce que l'on varie des usages autour d'un dispositif, par exemple, construit, et qu'on voit comment nos pratiques sont aussi des pratiques sonores. Et puis, c'est des méthodes aussi pour faire parler, des méthodes narratives. Le son est à la fois l'objet de l'enquête, mais très vite, il est aussi le moyen de l'enquête. C'est-à-dire ce qu'il nous permet de dire de l'urbanité, des sociabilités, eh bien, on ne l'aurait pas forcément avec d'autres façons de travailler. Et du coup, il y avait aussi ce croisement. C'est-à-dire aller faire de l'enquête, c'était souvent travailler à plusieurs. D'être plusieurs sur le terrain, plusieurs de disciplines différentes, et puis de croiser nos résultats. Et on se retrouve 45 ans après, pour certains, et même 20 ans ou 30 ans pour d'autres, ou 10 ans. Et ça sera le cas dans quelques années pour ceux qui font la Winter School. Quand on fait du terrain, eh bien, on produit des archives. Et on se retrouve avec des documents qui, sur le moment, nous paraissent naturels. Mais quand on les réécoute 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils témoignent d'une urbanité, d'une sociabilité que le son dit rapidement. Quand on vous écoute, on a l'impression de beaucoup d'inventions, de beaucoup de recherches, d'inventivité entre vous à chercher des méthodes, à les tester, etc. Est-ce que vous alliez aussi chercher des exemples ailleurs ? Est-ce que vous aviez des inspirations que vous appliquiez, par exemple, ou que vous détourniez ? Tu veux dire au niveau des méthodes ? De vos méthodes, oui. Oui, est-ce que tout était inventé les méthodes... sur place ? Oui, non, non. Bah, peut-être sur l'écoute réactivée, donc, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. C'est une des inventions de Jean-François Gouillard, mais qui est une transposition, là aussi, d'un climat culturel et méthodologique de l'époque, qui était une critique des méthodes de sociologie classique, de l'enquête, où on pose des questionnaires, des efforts pour que ce soit semi-directif ou pas directif du tout, etc., auquel on ne croyait pas du tout. Et lui, il a eu l'idée, mais comme les gens, si on, leur questionne, on les questionne sur leur environnement sonore, ils ne parlent que du bruit, qu'après, on a muré chez Fer, qui avait fait le soundscape, traduit sous le nom de paysage sonore. Alors là, c'était toute la musique, c'était la merveille, l'esthétisation. Comment est-ce que serait-ce que cette anthropologie du sonore qui serait ni négative ni positive, qui ne partirait ni de l'a priori du bruit, ni de celui de la musique ? Eh bien, on passe des fragments sonores et on fait écouter les gens et on fait réagir les gens au sonore. Et là, ils ne parlent plus de bruit. Parce qu'ils essayent de... Qu'est-ce que c'est ? Tout de suite, dès que vous passez un fragment sonore, vous dites, mais ah ben, c'est là, c'est un... Non, pas du tout. Mais, oh, j'ai aucune idée, etc., etc. Et il y a des interactions formidables. Donc ça, c'est vraiment un aspect essentiel. Mais ça vient de méthodes qui étaient initiées par les grands transdisciplinaires de l'école de Palo Alto, etc., qui sont des transpositions, la fameuse scène de la cigarette, qui est plutôt une séquence vidéo de 7 ou 8 secondes qui fait l'objet d'un bouquin de Václavic qui fait 800 pages, ou je ne sais plus quoi, oui, c'est ça. Et voilà, c'était une transposition de ça. Et puis moi-même, en écologie humaine, j'avais fait des trucs qui étaient... Et tout ça, ça reposait toujours sur l'idée d'un questionnement indirect. Pas un questionnement qui est un non-questionnement, mais une action, un document qui permette de faire réagir les gens sans poser de questions. Puis après, on introduit des thématiques pour les amener sur des choses, etc. Ou bien on dit, ah, mais il y a d'autres gens qui ont dit que, quoi. Et puis quand un psychanalyste, un historien de l'architecture, une dame qui promène son chien ou un enfant, à l'écoute du même fragment, identifie quelque chose qu'on n'avait pas forcément... Mais tout le monde accroche sur quelque chose, puis le raconte avec des mots complètement différents. On dit, ah ben là, il y a quelque chose à nommer, à toucher, on en fait un effet sonore, puis il se théorise, etc. Donc ça, c'était important comme... On reste sur cette idée d'écoute réactivée. On va essayer de faire l'exercice avec un extrait sonore que je vous laisse écouter. Place Saint-André. Donc, si j'ai bien saisi le principe, on demande à un psychanalyste, un historien, un urbaniste, qu'est-ce que vous avez entendu ? Qu'est-ce que vous entendez dans cet extrait ? Ça tombe bien, on a plein de profils différents dans la salle. Vous pouvez vous lancer, il n'y a pas de piège. Autour de la table, on a le droit de jouer aussi. Non, Jules, dans ces cas-là, on va d'autorité. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Oui, j'entends une place. Enfin, tu nous as dit que c'était une place, donc j'entends une place. Après, j'ai tendance à entendre des bruits. Mais bon, je me domestique un peu. J'entends des sons, et ces sons indiquent... Il y a des gens qui circulent et des gens qui travaillent, qui manipulent des objets dans un environnement manifestement urbain. J'ai un sentiment d'arcade. Je ne connais pas la place en question. En tout cas, une réverbération importante, intéressante, qui nous permet de localiser aussi dans les distances. On a l'impression qu'il y a des gens qui traversent, qui s'en vont, et à la fin, une voiture plutôt ancienne. Enfin ancienne, je veux dire pas les voitures modernes électriques, qui fait un son particulier qui pourrait chercher, mais une Mustang relativement déplaisant par son intensité, mais qui indique aussi cette question de fuite là est assez intéressante. On commence sur le travail et puis après la place, je sais pas si c'est le micro qui bouge ou les gens qui s'en vont, mais voilà ce que j'entends en tant que primatologue. On a entendu effectivement qu'il y avait une dalle minérale, parce qu'on entend la résonance des pas. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une terrasse de café avec des bruits de couverts, des cliquetis, et un chargement, déchargement de camions, mais je ne suis pas sûre de ça. J'avais l'impression qu'il y avait une action comme ça. Avant le démarrage. Alors êtes-vous d'accord ? Votre voisine ? Oui, je suis exactement dans cette sensation-là. Ouais. Moi, j'imaginais marcher, mais parce que aussi je connais la place Saint-André, alors du coup, ça biaise un peu. C'est la place Saint-André ? C'était pas la place Saint-André ? J'avais je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Bah, sans aucun doute. Je ne l'avais pas précisé. Mais comment vous savez que c'est la place Je ne sais plus. Si, je crois qu'on l'a entendu. Vous l'entendez au tout début. Ouais. Sur l'extrait. C'est dit. C'est dit. Mais du coup, ça biaise. Enfin, voilà. Le fait de savoir le lieu, déjà, influence l'écoute. Non, mais vous ne le savez pas. Ce n'est pas parce que c'est écrit. Je n'ai pas compris. C'est dit dans le fragment. Oui. Alors, moi, je ne l'ai pas entendu. C'est parce que ça se faisait d'annoncer le lieu. Ah, d'accord. Donc ça, c'est une erreur méthodologique primaire. Non, c'est parce que ce fragment-là n'était pas fait dans l'objectif d'une écoute réactivée. Il était fait dans l'objectif d'accompagner un rapport, de dire ça, c'est ça. Mais ce n'est pas fait pour l'écoute réactivée. D'ailleurs, sur l'écoute réactivée, on pourrait être un peu plus précis, parce que c'est quand même aussi un exercice qui était alors sans doute oui, inventé par Jean-François, mais avec les moyens techniques de l'époque. D'ailleurs, on entend très bien cette prise de son-là. On entend qu'il manque d'aigu. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu ancien, on va dire, déjà. Et donc, c'est pas très précis. Mais on était confronté à ce matériau-là. On avait des gros UR donc, qui pesaient un âne et qu'il fallait trimballer pour faire entendre des choses. On sait que l'enregistrement ajoute une dimension de réverbération par le fait qu'on prenne le son dans le lieu, c'est comme ça, et donc ça modifie déjà le rapport avec la chose. Donc il ne s'agissait pas tant d'illustrer finalement quelque chose que de peut-être d'entraîner, comme le disait Pascal, un récit, peut-être quelque chose qui raconte le lieu. Et d'autre part, oui, préciser aussi que l'écoute réactivée, on la faisait, enfin il me semble, avec des gens qui vivaient le lieu. Non, ce n'est pas le cas ici. C'est quelque chose qui vous est plaqué dessus, il me semble. Et on vous dit, et du coup, on est dans la reconnaissance. Ah bah oui, est-ce qu'on reconnaît la deux chevaux de l'époque qui traverse une place qui aujourd'hui est piétonne? Ça, c'est intéressant du point de vue historique. Là, on est plus sur une écoute spontanée qu'une écoute réactivée. Exactement. Voilà. Réactivation, c'est réactiver quelque chose qu'on vit, peut-être. Oui, tout à fait. Alors après, Grégoire vient de dire, on intervient les gens qui habitaient le lieu. Et c'est vrai, il y avait des anecdotes fameuses dans vos premiers rapports que moi, j'ai toujours récité à mes propres étudiants sans avoir vécu la chose, sur l'histoire de la petite marche ou sur... Elle continue d'être récitée aujourd'hui. Elle continue d'être récitée. Bon, on vous la racontera une autre fois parce qu'elle est tellement répandue, vous la connaissez tous. Mais bon, qui sont en effet une réaction d'un habitant qui écoute son propre milieu, ce que moi j'appelle son milieu sonore, c'est-à-dire la cour dans laquelle il vit, dans laquelle il passe tous les jours. Et puis, tous les jours, il y a les gens qui sont étrangers, ils se cognent à la petite marche qui a été décollée parce que la cour s'est enfoncée avec l'Isère, etc. Et donc, il y a deux personnes dans l'immeuble, sur 5 ou 6 qui sont interviewées, qui disent « Ah ben oui, vous avez entendu la petite marche ». Évidemment, nous autres, je m'assimile à eux, on n'avait pas entendu la petite marche. Et elle raconte à ce moment-là mais toute une histoire de vie de toute la communauté de cette cour-là, etc. Et du coup, ça devient un révélateur d'une chose qui est vécue, qui est extrêmement précise, qui est inaccessible par des techniques d'enquête, quoi. Donc ça, c'est une richesse. Mais après, moi, quand j'ai fait d'autres travaux, je dis, mais non, mais quand je fais des écoutes, je travaille plutôt sur les notions d'identité sonore urbaine, que serait-ce que l'identité sonore d'une ville. Et je faisais attention, sur une dizaine d'entretiens, parce que c'est des entretiens assez lourds quand même, de 1 ou 2 heures pour que ce soit riche. Quelquefois, je suis allé jusqu'à 9 ou 10 heures avec la même personne sur une dizaine de fragments. Je faisais toujours attention d'avoir la moitié qui connaissait le lieu, l'autre moitié qui ne le connaissait pas. Et d'avoir des gens de disciplines différentes, mais peu importe les disciplines, presque tout est intéressant. Et puis d'avoir un peu de diversité sociale. Mais en termes d'échantillons, si tout le monde demandait comment votre échantillon n'est pas représentatif, c'est 7 ou 8 personnes qui ont parlé. Oui, mais il y a des milliers de paroles, donc c'est l'expression des choses qui est importante. Une des choses importantes pour moi, c'était de dire moitié des gens qui connaissent le lieu, moitié ou qui connaissent la situation, moitié qui ne connaissent pas. Parce que du coup, ils ne voient pas la même chose, ils n'entendent pas la même chose. Et là, la posture de l'intervieweur est lequel ? C'est une sorte de processus d'accompagnement qui... Ouais, c'est pas une question de quelle est la bonne réponse, j'imagine. Ah, bien sûr que non. Non, il n'y a pas de réponse attendue, effectivement. C'est plus faire parler finalement les gens de leur lieu à partir d'un matériau qui va entraîner peut-être une parole ou pas, parfois d'ailleurs c'est aussi du silence. La grande différence avec les techniques d'enquête de l'époque et qu'on continue à pouvoir, c'est oui. qu'on peut dire comme intervieweur, mais nous on ne sait pas. On travaille sur du sensible. Et c'est vous qui habitez le lieu, ou c'est vous qui êtes spécialiste, qui avez cette oreille-là. Et donc, par contre, donc c'est toujours un accompagnement, comme tu dis, c'est toujours une attitude de bienveillance, de surtout pas réagir s'il y a quelque chose qui, est justement, qui paraît grossier ou je ne sais pas quoi. Mais et une autre dimension qui, pour moi, est très importante, c'est l'idée de récurrence. C'est-à-dire, il y avait toujours une deuxième écoute, la deuxième écoute du même fragment. Quand on en a discuté un peu, on a toujours 10 000 autres choses à redire. Oui, je me dis, ah oui, mais c'est vrai, vous avez dit que, etc. Puis quelquefois, une troisième. Et souvent, la seule chose que moi, en tout cas, je me permettais de dire, c'est quand je sentais où il accrochait sur quelque chose, où il y a d'autres gens qui ont dit, ah, mais il y a d'autres gens qui ont dit que. Et sur le même petit moment de discuter. Alors la personne, à ce moment-là, elle réagit par rapport à ce qu'une autre personne a dit, qui a été transcrite par moi-même, et donc de faire se connoter mutuellement des bribes d'interprétation qui sont apportées par des paroles différentes. Merci. Ah ben, pour continuer et pour finir sur cette partie sur les origines, on va revenir un petit peu à ce qui a été rapidement abordé tout à l'heure, la notion d'effet sonore. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est quand même quelque chose qui a été mené en parallèle. On a fait une organisation dite chronologique, mais l'écoute réactivée, les effets sonores, tout ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Pascal. C'est des choses qui se sont menées en parallèle dans le cadre de séminaires. C'est, tu l'as dit, une approche un peu qui s'est voulue complémentaire de deux grandes notions qui étaient les objets sonores et le paysage sonore. Donc, d'un côté, les objets sonores de Pierre Schaeffer et de l'autre côté, le paysage sonore de Murray Schaeffer. Avec d'un côté une tentative d'appréhender ou de décrire les sons comme un solfège avec une approche plutôt musicale et de traiter les sons pour ce qu'ils sont plutôt que pour la source et d'essayer d'en décrire la texture, le grain, la dynamique, le timbre, la hauteur, etc. Et puis d'un autre côté, Murray Schaeffer, le fameux soundscape, paysage sonore, si on va très vite là-dessus, hein, mais simplement pour rappeler un petit peu d'où on part. Qui tente ou qui formalise plutôt, parce que c'est une notion qui existait déjà un petit peu, mais en tout cas qui formalise ce qu'on pourrait décrire comme une unité esthétique dans un environnement sonore. Pourquoi ce besoin d'une troisième notion ou d'un outil plutôt? Est-ce que c'est vraiment une notion? Ça, c'est d'ailleurs une question. Pourquoi ça se positionne comme ça en complément de ces deux choses qui existent déjà dans les réflexions autour du sonore? Je me souviens qu'il y avait un argument qui était de dire... en fait, moi, je trouve qu'elles ne sont pas opposées, elles sont complémentaires, d'abord. L'objet sonore, c'est très intéressant. Le paysage sonore, ce n'est pas inintéressant. Composition, on va dire. Et puis, l'effet sonore, alors, il y avait point intérêt. C'est vrai qu'il y a quand même toujours ce rapport à espace-son. Hein. Effet, il y a quand même de l'effet. Il n'y a pas de son sans effet. Enfin... C'est un peu problématique, cette histoire. Donc, vous êtes toujours dans un lieu qui va filtrer votre écoute, le signal pur. Essayons, si vous voulez. Je sais pas. Qu'est-ce que ça donne? Donc, c'était une des questions que posait Jean-François. Il n'y a pas de perception sans effet. Donc, alors, c'était cette idée qui est à la fois produite par le cadre, mais qu'elle est aussi peut-être le fruit de nos habitudes d'écoute, notre culture, notre immersion dans quelque chose. Et donc, d'ailleurs, ça vient... Je voulais revenir sur l'écoute réactivée, parce que le choix des fragments qu'on fait écouter, comment vous le faites? Parce que ça, c'est pas non plus innocent. Pourquoi vous faites écouter ceci ou cela? Pourquoi? Sur Cartophonie, parfois, on a des... Cartophonie, c'est le site où on a tout rassemblé pour avoir ses archives et faire écouter tout le monde. Puisque finalement, voilà, tout le monde peut écouter. Mais parfois, on a des propositions d'enregistrement. On dit, d'accord, mais quoi? Soit il y a un objet intéressant qu'on n'entend plus, là, deux chevaux dans... On n'entend plus. Ah bon, bah oui, c'est une archive, peut-être c'est un effet particulier. Ça pourrait être un effet particulier dans un lieu, ou ça peut être une pratique sociale qui produit tel ou tel effet, ou tel type d'objet, ou qui compose avec le paysage. Donc, il faut bien un motif de présentation de cette écoute, enfin, du point de vue de celui qui la propose. Ouais, je me rappelle que Jean-François Goyard faisait souvent l'analogie avec, en disant l'objet sonore serait à peu près le mot, le paysage serait le texte et l'effet serait la phrase. C'est vrai. Alors, ce qu'on comprend bien dans l'unité de temps, en fait, ou dans la saisie des choses. Mais, bon, on voit bien non plus que toute analyse sonore ne peut pas se permettre ce tri découpage, en fait. On retrouve du paysage à la notion de paysage telle que elle était abordée passait souvent par une dimension contemplative de l'usager, où on se posait la question de la qualité, de l'unité esthétique de ce que l'on entend. Alors que les faits, on en était l'acteur aussi, on n'était pas que l'écoutant, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus l'acteur. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand je traverse un hall d'immeuble et que je ferme la porte, quand je rentre chez moi, quand j'enchaîne, je me rappelle, des caisses enregistreuses les unes après les autres, etc. etc. Donc il y avait cette idée quand même d'une dynamique, il y avait un déroulement dans le temps, qu'on retrouvait moins d'ailleurs, évidemment, à l'échelle de l'objet seul, de fait, et qui peut-être devenait trop composition dans le paysage. Donc c'est, nommer ce moment-là était assez utile. On peut peut-être ajouter aussi que... Les faits, enfin, t'es dans une école d'architecture, enfin, la dimension outil de conception. C'est-à-dire que cette histoire d'être entre le bruit et l'esthétique, du point de vue de la conception architecturale, alors en archi, c'était en passé à l'acoustique. Et puis c'était uniquement les situations soit de salle de musique, soit d'écran anti-bruit ou de protection de fenêtres ou d'isolation acoustique, en fait, où on faisait appel à un acousticien. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, à peu près. Hein. Et donc la question, d'un point de vue un peu plus théorique, c'était de se dire, mais on n'a pas les mots pour dire ce que c'est qu'une qualité sonore. On n'a des mots que pour dénoncer la chose. Donc fatalement, on tombe dans la nuisance, dans le bruit, dans le truc qui ne va pas, qu'il faut donc corriger. Et le projet, il consiste à rétablir quelque chose qui n'est pas bon. Et comment est-ce qu'on conçoit une ambiance sonore qui soit architecturalement, non pas déterminée, mais induite, et qui soit... agréable, qui puisse être utile à l'usage, etc., etc. Donc la notion des faits, à mon avis, c'est ça son originalité aussi, c'est que c'est un outil d'analyse autant que de conception. On a vu justement, donc c'est effectivement complémentaire, qu'il y a une tentative d'intégrer d'autres dimensions que la dimension esthétique, c'est ce que tu disais un petit peu, Nicolas, et Grégoire, de coller un peu plus, d'être en adéquation avec des échelles architecturales et urbaines. Et puis là, un petit peu, tu esquisses, Pascal, le fait de proposer une transversalité interdisciplinaire. Donc, est-ce que à partir de ces trois propositions-là, est-ce que vous pouvez, parce que là, on a abordé le côté méta de pourquoi l'effet, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est un effet sonore, concrètement ? Ou qu'est-ce que sont les effets sonores ? Ils sont bien connus, ils sont déjà employés dans la physique. Bon, alors là, c'est vrai que quand même, il y avait quand même cette idée qu'il y a une physique des effets. Effet Doppler, effet Compton, effet... Ils sont connus. Cette idée qu'il y a un processus physique derrière un effet, à l'origine de la notion d'effet elle-même, est aussi importante. Hein. Elle n'est pas anodine. Après qu'elle ait été élargie à d'autres... par exemple, si on parle d'effet Charavadji, on comprendra qu'il y a cet effet de contemplation, peut-être d'ailleurs, hein, du paysage ou d'autre chose. Hein, je me souviens d'un enregistrement de Jean-François nous passer, c'était le bruit d'une machine à imprimer qui était à grand place. Et en fait, cette machine à imprimer était c'était une mécanique. Une mécanique, si vous l'enregistrez à un mètre, comme on avait l'habitude de l'entendre, si on utilise ce truc, on l'extrait et on l'écoute. Et donc, à l'intérieur de cette chose-là, il y a des rythmes, des éléments, des... Bref. Alors, de là naît l'effet, peut-être, qui vient finalement d'une organisation un peu particulière entre l'écoute d'un objet dans un contexte et dans une organisation qu'il va en même temps transformer. Moi, c'est pour ça que c'était intéressant du point de vue de l'architecture, parce que c'est faire effet. Si vous écoutez l'effet Doppler que produit Jimi Hendrix dans un de ses célèbres solos, vous comprenez bien que cet effet-là, effet Doppler, qui est un effet physique tout à fait connu, tout à coup, il est réutilisé dans quelque chose qui est une production musicale, esthétique, ce qu'on veut. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer, hein, vous comprenez bien que c'est pas ça. Mais ça devient un outil pour produire quelque chose et le transformer. Alors là, c'est pas seulement l'effet, c'est le faire effet. C'est-à-dire comment je... Et en architecture, ça peut poser question. Comment je vais faire ? Effectivement, on constate... effet de coupure, qu'est-ce qui se passe ? C'est d'une banalité effarante. Un effet de coupure, c'est... Alors, on a essayé de quantifier. Voilà, si je passe tel angle, il tombe 3 dB. C'est physique, c'est bête. Mais si je tourne un angle de 90 degrés, je perds la moitié de la source. Donc, je perds 3 dB. Est-ce que ça suffit pour faire un effet de coupure ? Perceptivement, 3 dB, une dizaine, ça commence à le faire. Vous pouvez aussi... arriver, alors ça c'est ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est qu'il y a des conditions, hein, des conditions de possibilité qui font que ça va se jouer ou pas. Sur certains effets, c'est faisable. Je ne dis pas sur tous, mais c'est pour ça que des effets de filtrage, des effets de coupure, qui nous intéressaient beaucoup parce qu'on les retrouvait dans les milieux qu'on abordait à l'heure, c'était par exemple des cours d'habitat ancien, des choses comme ça, et donc dans lesquels effectivement ces effets-là qualifiaient les milieux dans lesquels on pouvait se déplacer ou habiter. On a pu travailler sur d'autres tissus urbains, les grands ensembles, la cité Mistral ou la cité viscose des années 30, où ces effets-là apparaissent d'une autre manière, ou pas avec la même prégnance, ou n'apparaissent pas d'ailleurs, parfois. Donc voilà ce qui devient intéressant du point de vue de l'effet qui n'est pas effectivement, défini une fois pour toutes, peut-être, mais qui a des conditions de possibilité à définir. Peut-être écouter un nouvel extrait sonore qu'on pourra peut-être commenter en termes d'effet, si vous voulez bien. Alors, personnellement, à force d'écouter, de réécouter cet extrait, je finis par en entendre au moins 3 ou 4 effets. Est-ce que dans le public, il y a quelqu'un qui pourrait nous dire ce qu'il entend ? Lâchez-vous. Lâchez-vous. Très simplement. Moi j'ai entendu une gare ou en tout cas un espace avec de la foule et puis avec une voix à proximité donc qui parle en anglais, une voix féminine. J'imagine un espace assez ouvert avec un effet sûrement de réverbération. Peut-être aussi un effet d'écho. Je ne sais pas vraiment si c'est c'est peut-être un peu flou avec la réverbération, mais je pense que c'est un enfant qui crie en fond. Voilà, peut-être si d'autres personnes veulent... Oui, c'est ça. Moi, j'entends un peu les mêmes choses, mais j'arrivais pas à identifier le bruit de fond, si c'était une gare ou si c'était... C'est assez flou pour moi. Et puis, sinon, pour les effets, effectivement, réverbération et cette répétition chez l'enfant. Et puis, à un moment, j'ai imaginé que ça pouvait être quelque chose d'une école, mais en fait, le bruit de fond ne donne pas cette info. Alors, c'est assez dur d'identifier. Dans l'école, une gare, Eh bien, peut-être même... c'est vrai que ça avait l'air d'être plutôt ouvert comme espace. Au début, je pensais à quelque chose de fermé, un lieu à visiter, un lieu touristique. Mais finalement, c'est peut-être un lieu touristique ouvert... ce qu'on entendait de la femme, alors je parle pas très bien anglais, puis j'ai pas compris ce qu'elle disait, mais ça avait l'air d'être comme une présentation d'un lieu où peut-être qu'elle essayait de rassembler du monde. Enfin, on peut vite se faire beaucoup d'histoires en fait avec le peu d'informations qu'on avait. Je suis pas très forte en interprétation. Moi, peut-être j'entendais une sorte de gestion d'un groupe d'enfants, peut-être par cette femme, mais c'est pas très clair et je comprenais pas bien ce qu'elle disait non plus. Et ouais, non, j'ai. Moi, en fait, au tout début, avant que la dame parle, j'ai cru que c'était la mer, j'entendais l'océan. C'était tellement pas inaudible, mais incompréhensible ce qu'on entendait, que ça faisait l'effet plutôt de flot d'un va-et-vient qui m'a tout de suite fait penser à une plage. Quand la femme a commencé à parler, j'avoue que j'étais un peu perdue. J'ai entendu des choses comme « Repeat after me ». Je me suis dit « Est-ce qu'on est dans une classe ?» C'est quand même bizarre comme classe. Et même l'enfant qui, on dirait, qui mime un animal, peut-être, je ne sais pas, ça m'a vraiment confondue. Super. J'avais l'impression que c'était peut-être suivant. Une poule. moi, j'ai entendu que c'était le point de rendez-vous. Donc, c'est le son du point de rendez-vous. Et pareil, je tente un musée du Louvre. Voilà. Oh. Oh là là. Mais vous voyez, je ne suis pas d'accord. Et quelquefois, c'est tout pas le direct. Moi, je trouve ça très beau, vos interprétations. Et la mer, en fait, c'est le souterrain, non, du Louvre. Donc, en fait, complètement. La mer, je trouve que ça a du mais sens. Oui, moi, j'ai trouvé qu'au bout de 3 ou 4 personnes, on avait déjà presque toutes les réponses, sachant que l'objectif, ce n'est pas de reconnaître, c'est pas un quiz, il faut reconnaître. Mais effectivement, on est dans les souterrains du Louvre. Et alors, s'il y a écrit effet de créneau sur le conducteur, c'est quoi un effet de créneau? Alors, on l'entend bien. Là, c'est parfait. Qui est-ce qui nous l'explique? Parfait. En fait, ce que je regrette, c'est que voilà, la tendance, on écoute quelque chose, on identifie où c'est, qu'est-ce que c'est, etc. Ce qu'on apprend ici, je crois, c'est écouter différemment. Vous écoutez dans l'épaisseur. On s'en fout de ce que c'est l'objet. Je m'excuse, mais je m'en fous. Moi pas. C'est quoi ? Non, mais c'est le problème de l'identité. Non, pour moi, l'identité, ça pose un peu le problème. On s'en identifie, fout, mais on identifie. Mais à quoi ça sert d'identifier ? J'écoute la matière sonore en tant que telle. C'est comme de la musique. Vous pouvez écouter les profondeurs. Quels sont les rythmes? Quelles sont les fréquences? On apprenait ça. Moi, je parle de ça parce que c'est ce qu'on faisait. On faisait avant que le DEA, tout ça existe. C'est d'apprendre à écouter les plans. D'apprendre à écouter autre chose que les objets. Oui, c'est une mobilette. D'accord. Oui, c'est une voiture. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est la manière dont elle s'exprime, quelque part, qui est intéressant. Et ça, c'est l'effet. Je pense. C'est-à-dire que là, on entend la personne qui essaye de placer sa voix dans ce tohu-bohu, effectivement, des souterrains du Louvre qu'on avait étudié, avec une très forte réverbération, vous l'avez noté, on entend ça, on sait identifier l'effet de réverbération, c'est tellement colossal qu'on sait l'identifier, sauf dans des réverbérations courtes ou des trucs plus subtils. Mais dans les grandes réverbérations, on a tous cette culture-là. Les cathédrales, les machins, les trucs, tout ça, c'est bon. Le Louvre, C'est parfait, c'est du vert, 6 secondes de réverbération à 1000 Hz, ça ne vous dit rien, c'est énorme, c'est plus que la Notre-Dame de Paris. Donc, ok, ça s'identifie, mais pas comme lieu, mais comme effectivement, comme effet. Et là, le créneau, c'est la dame qui essaye de placer sa voix pour se faire entendre du groupe, et donc qui utilise l'effet de créneau. Vous voyez, ça revient à faire effet. Elle ne peut pas se faire entendre. On ne peut pas se faire entendre. Soit ils mettent un parapluie en l'air pour se faire voir, mais pour parler, ils sont obligés de trouver le bon créneau en fréquence, en rythme et en intensité. On est des bêtes, c'est facile, on y arrive, dans certaines limites, évidemment. Mais vous voyez, c'est ça, l'effet de créneau. Donc l'effet de créneau, il est bien connu de chacun d'entre nous pour être réutilisé de manière à placer là où on a besoin de se faire comprendre ou d'échanger ou de se faire voir ou de se faire entendre. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et après, vous avez parlé de l'effet de répétition. Effectivement, il y a un moment donné, et il y a quelque chose qui tend à se reproduire dans ce tohu-bohu. Et vous avez parlé de la mer. Ben, en fait, la mer, c'est l'objet. Je dirais, la mer, c'est l'objet que vous représentez. Mais en fait, c'est un effet de drone, on dira ça comme ça, peut-être. De vague. Un effet de bourdon, de vague. Qui est une métaphore, mais qui est très présente en figure acoustique. Donc voilà, on est dans ces éléments-là. Ce sont des effets. Alors là, c'est un faire effet qu'un humain, que quelqu'un utilise. Ou un animal. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Les oiseaux transforment leur chant. Ouais. Et même des mécanismes qu'on utilise pour médier du son, je pense au le son d'un, comment dire en français, un passage piéton. Vous trouvez la bonne fréquence qui peut aller au-dessus des camions qui passent et tout le reste. Alors cet effet de créneau, c'est quelque chose qui nous dessine une agentivité, pour utiliser un terme que Mathias a parlé plus tôt, qui est plus qu'humain. C'est pas que les humains qui le font. Exactement. Il est aussi temporel. J'attends que la voiture soit passée pour continuer ma discussion. Mais c'est pas plus qu'humain. C'est animal aussi bien qu'humain, quoi. C'est vivant. Mais c'est pas, l'animal ne fait pas plus que l'homme. Mmh. Enfin. Je vous propose qu'on passe, parce que le débat sur non humain plus qu'humain pourrait durer je me justifie, c'est pour dire que la notion d'effet ne partira jamais de distinction de cet ordre-là. De l'humain, ouais. Par rapport à la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est pour ça que je réagissais là-dessus. Mais d'où le plus qu'humain en contrepoint du non-humain. Est-ce que, Jules, tu peux nous diffuser un effet supplémentaire, et puis après on passera à la suite. Complètement. Merci. À la fois humain, non-humain, etc. Après, un autre effet. Identifier l'effet plutôt que l'objet. Identifiez-le. Alors, quel effet identifieriez-vous à cet endroit-là ? Pour éviter de chercher, on est dans un des grands boulevards à Bogota. Voilà, c'est pas ça la question. C'est intéressant. Allez, lâchez-vous. J'essaye, mais je pense pas avoir le vocabulaire adéquat, mais je pense que ce que j'ai noté, c'est peut-être un effet de spatialisation, je ne sais pas si c'est vraiment français comme mot, mais c'est un mouvement du son de gauche à droite avec plusieurs niveaux. Il y a un arrière-fond, des sons qui sont plus au premier plan pour utiliser un langage peut-être plus imagé, plus cinématographique. Mais il y a vraiment l'idée d'une profondeur et d'une trois-dimensionnalité. Déjà, vous parlez du son sans dire finalement ce que c'est. Vous parlez plus de son agencement et comment dire, sa matière, quoi. Ça, je trouve ça. Si on arrive à ça, c'est bien. Il y a aussi la différence du coup entre les types de sons. Par exemple, à un moment, il y a un klaxon. Sinon, il y a les voitures qui arrivent du coup de loin et qui arrivent plus proche, donc le bruit augmente, puis après s'arrête, ou ce genre de choses. Et du coup, ça capte. Enfin, le type d'attention qu'on a à ce genre de son est assez différent entre du coup, un signal ou quelque chose qui augmente, ou quelque chose qui est plus en bruit de fond avec le flux des voitures, etc. Il me semble que ça faisait partie des effets ou d'une autre catégorie, mais. Ça peut. En fait. L'effet qu'on cherche, ou celui sur lequel j'aimerais attirer l'attention, c'est qu'est-ce qui arrive à cette petite violoniste qui fait la manche au bord de Grand Boulevard ? Ça, vous l'entendez ? J'ai pas le terme. Je veux bien tenter, mais on a l'impression qu'elle joue à cache-cache. C'est un son qui joue à cache-cache, mais j'ai pas de terme pour. C'est ça, quoi. Bien, un effet cache-cache. On peut pas apparition, disparition, non ? Et puis un autre effet, alors qui doit être l'effet dont je me rappelle jamais le nom, qui est l'impression d'être sur une place avec le son qui monte. L'effet. C'est... Non, pas créé. Non. Tu l'as mentionné. Le son qui monte. C'est que je vous dis. Un charwaji. Charwaji. C'est sublime. Ça. Voilà, pour moi, la fin. Particulièrement la fin, commence à toucher au sublime, c'est-à-dire j'aimerais y être. Donc l'effet impacte sur mon comportement. En fait, j'y serai, j'y resterai. Je ne resterai pas avant. Quand la violoniste est masquée, je ne m'approcherai pas de la violoniste. Par contre, à la fin, quand la place s'ouvre, c'est le bonheur. Et c'est donc un effet qui a une action sur mon humeur, en tout cas. Vous l'avez prononcé, je crois que c'est l'effet de masque. Masque, c'est clair. Là, je veux juste intervenir pour dire, Jules a tout faux, quoi. Ce qu'il doit, alors, quel effet vous trouvez, vous écoutez, quoi. On ne posait jamais cette question-là pour inventer. Il faut bien vous dire que les effets sonores sont nés d'une réflexion théorique dont on a un peu discuté au début, mais sont nés de l'exercice qu'on fait, qu'on simule ici avec vous, sur des dizaines de recherches, où, en fonction de ce que je disais, parce qu'elle a dit, il y a une espèce d'expansion, de mouvement, de tout. Toi, tu as dit, à la fin, ça s'ouvre, incroyable. On fait parler 5 autres personnes, il y en a un autre qui va dire, oui, c'est comme si ça s'éloignait, ou bien il y a une espèce d'échelle incroyable. Et puis, on cherche avec ces fragments de paroles de gens différents, de cultures, et qui ont des écoutes, a priori, très différentes, ils essayent de nommer quelque chose qui n'est pas encore nommé, formalisé. Et puis nous, on va le formaliser à un moment donné, on va dire, j'en prends un qui concerne ça, l'effet de dilatation. Et celui-là, on a à ce moment-là commencé à le définir, qu'est-ce que ça veut dire acoustiquement, qu'est-ce que ça veut dire en sociologie, qu'est-ce que ça veut dire en architecture, en urbanisme, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et c'est rentré dans notre répertoire d'effets. C'est comme ça que les effets sonores, le répertoire concret a été construit. C'est à partir de la parole, et pas en disant, mais quel effet il y a, quoi, parce que sinon, c'est le même exercice pour l'objet. Ce qui est intéressant aussi à faire, parce que ça va plus vite. Mais là, il y a des effets que vous nommez qui pourraient être palpables. Le cache-cache, moi, je trouve qu'il y a un truc assez générique qu'on retrouve assez souvent et il viendrait compléter d'autres effets qu'on a pu nommer, quoi. Mais il faudrait creuser, quoi. On fait un petit effet de suspension pour passer à la seconde partie de notre soirée. Thank you. Alors, cette deuxième partie qu'on a intitulée l'écoute des mondes habités, c'est une partie dans laquelle on va essayer de regarder, alors rapidement, hein, on ne va pas pouvoir tout survoler, mais on va regarder justement comment ces notions et ces méthodes, elles ont ensuite été explorées, comment elles ont vu leurs objets, mais aussi leur terrain d'enquête évoluer au fil du temps. Et pour commencer, on va rester dans une écoute. Je vous propose qu'on écoute quelque chose d'un petit peu différent. On va sortir de l'environnement urbain et on va basculer dans le monde industriel et maritime avec une recherche sur les ports et les ambiances sonores des ports. Cinq marines. Alors, à ce moment-là, beaucoup de travaux émergent sur le sonore avec des applications plus variées, un élargissement au-delà du sonore aussi. Hein. On ne va pas trop en parler ce soir, mais il y a un élargissement qui se fait pour aborder de manière plus large la notion d'ambiance et toutes les modalités sensibles que ça implique. Peut-être rapidement, pour embrayer sur la suite... Pascal, tu développes notamment une réflexion autour des modalités d'écoute à une période où tu parles d'environnement, de milieu et de paysage. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce travail-là et sur ces trois modalités d'écoute? En effet, c'est un travail que je mène en Suisse où j'ai fait de l'import-export de nos recherches entre la Suisse et la France. Parce que j'étais chercheur à l'EPFL et puis j'étais chercheur au Cresson. Et voilà. Et j'ai eu à un moment donné un mandat un peu généreux du CNRS suisse pour travailler sur une sonde d'identité sonore des villes suisses. Et j'ai posé les choses en disant bah, la Suisse, c'est un cas idéal puisqu'on a déjà quatre langues, donc quatre régions linguistiques différentes, trois principales. Donc déjà, on va prendre une ville dans le monde francophone, une dans le monde germanophone, dans le monde italianophone, qui renvoie à des climats différents, donc à des architectures différentes. Donc il y a une vraie diversité. Et donc, j'ai fait appliquer les méthodes, les écoutes réactivées, des enregistrements sonores, une dizaine de fragments dans chacune des villes, avec des protocoles de choix, etc. Et c'est à partir de cette matière-là que j'ai commencé à noter tous les effets que je pouvais redésigner dans les entretiens, etc. Et puis, assez rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait... Les gens... évoquait plutôt tel ou tel type de qualité ou de critères naissants dans certaines conditions d'écoute. Et que si je les faisais basculer par rapport à... Et peu à peu, j'ai compris qu'il y a des moments où on se met dans un regard, j'allais dire, dans une écoute qui est plutôt objectivante. On dit justement, c'est un son de... quoi. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je ne suis pas d'accord avec lui. Bien sûr, nous, on cherche autre chose. Mais n'empêche que on est pris par l'idée d'identifier un objet sonore, quoi, de dire c'est un son de ceci ou de cela. Ou bien on s'étonne toujours de reconnaître le Louvre alors qu'on confond avec une gare ou n'importe quel autre espace souterrain. Et c'est s'identifier quand même, c'est assez étonnant qu'on arrive. Et donc je me dis, mais ça c'est une vraie... C'est quand même une écoute, quoi, c'est important. Quoi. Et puis d'autres choses sont du côté du sensible, du côté des faits, beaucoup plus directement, etc., de la perception, etc. Et puis d'autres choses sont... a quand même des réactions par des jugements de valeur, par des... on n'arrive pas... On apprécie vraiment ou vraiment, c'est pas possible. Et c'est beaucoup par rapport au propre vécu. Alors là, les études sur le bruit de voisinage, etc. Et donc, peu à peu, je me suis mis à nommer des choses qui n'étaient plus des effets, qui étaient d'un autre ordre, plutôt de qualité un peu durable dans des fragments sonores. et de dire qu'il y a trois postures d'écoute qui ne cessent de se mêler. Celle qui est plutôt objectivante, mise à distance, identification. Celle qui est plutôt liée au fait que je suis complètement enfoui dedans, des fragments sonores dans lesquels on dit « Ah, on est vraiment dans l'ambiance du marché. » C'est incroyable parce qu'on oublie que c'est un enregistrement. On est pris... Ça, c'est tellement fréquent et récurrent. Comment est-ce que je nomme ça ? J'ai appelé ça l'écoute médiale. Et j'ai dit, ça, c'est tout ce qu'on n'entend pas parce qu'on est enfoui dedans. Et souvent, les gens, dans les écoutes réactivées, ils disent des choses, mais ils ne disent pas les choses les plus évidentes parce qu'ils sont pris par le fragment. Pourtant, bien sûr qu'ils l'entendent, quoi. On a alors Jean-Luc Bardine, après je m'arrête, mais il y a un fragment formidable du travail sur les ports. Il a fait corner un cargo dans le port de Gênes. Donc c'est un fragment qui, alors avec tout un trafic, avec la capitainerie et tout ça, c'est interdit évidemment, quoi. La sirène du cargo. Alors lui, il était au bout du quai, etc. Il attendait tout ça. Et donc il y a une minute, on a un clapotis d'eau, une mouette, trois petits haubans d'un petit port, machin. Puis tout à coup, on a le pendant 25 secondes, quoi. Et puis la chute du son, la réverbération dans toute la baie du port, etc. Enfin, c'est incroyable. Deux personnes ne disent rien sur le son du cargo. Donc, vous voyez, bon, voilà. Alors, j'ai dit, mais ça, il faut trouver un autre nom pour cette écoute-là. Et puis après, il y a d'autres réactions qui sont comme. Vous avez fait tout à l'heure en disant, mais là, ça devient Sharawedji, je voudrais y être, quoi. Et donc, on est dans un rapport qui est vraiment, qui devient sensible et tout ça. Et là, je me suis dit, la notion de paysage sonore, elle est intéressante. Et donc, j'ai proposé de distinguer environnement, milieu, paysage, sonore, pour dire, on ne cesse de basculer d'une écoute environnementale à une écoute médiale, à une écoute paysagère. Ce qui est vrai, c'est que dans toute situation d'écoute, il y a souvent une dominante, mais on peut toujours écouter quelque chose sur ce mode-là ou sur le mode-là. Et mon hypothèse, ma conviction personnelle, c'est que ces trois modes sont peut-être indépendants des cultures sonores. Alors, on va faire un... Merci Pascal. On va faire un petit bond dans le temps. Et puis après, je vous proposerai, si vous voulez réagir globalement à l'ensemble, on va faire un petit bond dans le temps pour avancer dans cette partie sur l'écoute des mondes habités avec quelque chose de nouveau qui apparaît quelques années plus tard, et c'est l'arrivée de l'expérimentation de dispositifs construits comme méthode de travail avec et autour du son. Et donc, en 2003, Grégoire et d'autres, vous publiez la recherche prototype sonore architecturaux qui propose, dans un premier temps, de caractériser une série d'espaces urbains à partir de leur configuration acoustique et spatiale. Et puis ensuite, ou en parallèle, tu préciseras, l'idée, c'est de fabriquer des dispositifs construits qui testent justement les manières de faire pour recréer ces catégories. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Et puis après, on écoutera un exemple peut-être d'inclusion. Oui, bah écoute, le cheminement pour arriver à ça était de deux ordres. On a fait beaucoup parler sur le son, beaucoup exprimé, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de choses qui nous ont permis d'asseoir notre vocabulaire, notre manière d'identifier, mais pas au sens de l'objet, des lieux sonores, des expériences. Et à un moment donné, il y a une chose que j'avais sentie, c'est que l'expérience sonore est liée à celle du mouvement. Bon, c'est bête, mais finalement, on n'est pas des auditeurs statiques. Nous sommes des auditeurs mobiles, que ce soit des micro-mobilités, je peux faire ça ou ça, ou des mobilités plus importantes. Bon. Donc, je proposais simplement de travailler sur ça. Parce que, d'autre part, l'idée d'un espace, c'est pas qu'il soit juste un contenant, mais c'est qu'il soit parcouru. Et que, curieusement, les fameux effets sonores, quand même, on peut les appréhender à très grande échelle. Vous en avez cité quelques-uns. Mais enfin, il y en a beaucoup qui se jouent à très petite échelle. Bon, pour peu qu'on soit un petit peu attentif, encore une fois, à l'expérience que l'on fait. Donc, petite échelle, D'où l'idée de dire, finalement, peut-être que des dispositifs, un angle, c'est un dispositif, un angle, hein, mais il peut être ouvert, fermé, il peut être plus ou moins orienté ou différemment, etc., ou des proximités de parois, enfin bref, des choses comme ça, peuvent, selon leur nature, modifier très localement, à l'échelle de mon corps, la perception de l'ensemble. Donc, voilà pourquoi on était arrivé à cette idée de trois types d'expériences que j'avais nommées l'articulation, limite et inclusion, je crois, qui ne sont pas exactement des effets. Encore autre chose, c'est des modalités d'expérience. J'articule, je passe d'un... Bon, c'est très simple, je passe d'un milieu à un autre. Comment ça se passe, ce changement? Il peut être très long, il peut être très court, il peut être décroissant, il peut y avoir des effets à l'intérieur de cette chose-là, mais bon, elle va se rythmer d'une certaine manière. C'est une articulation, quelque chose qui permet de passer d'un milieu à un autre. Bon. Mais ça, c'est avec le mouvement des pas. Et d'une évidence, parce qu'on l'avait beaucoup expérimenté sur les effets de coupure ou des choses comme ça. La seconde, c'était l'idée de limite, puisqu'on disait souvent la limite sonore ne correspond pas à la limite visuelle. C'est bien vrai, vous pouvez entendre sans voir quelque chose. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi d'ailleurs voir quelque chose sans l'entendre, la vitrine d'un dispositif. Voilà. Donc il y a des limites, mais ces limites, elles se jouent aussi à l'échelle du corps. Je me penche à la fenêtre. Je me penche à la fenêtre, c'est quand même pas un mouvement énorme, hein. C'est même pas moins d'un mètre. Et j'ai la tête dans la rue, mais je rentre dans la pièce, un mètre, et tout change. C'est une limite. On a travaillé sur les balcons, du coup, etc. Bon. Troisième chose, c'était l'idée d'inclusion. Mais ça, c'est le récit d'une expérience d'un passant au Louvre qui m'a mis un peu, qui m'a titillé, qui me racontait ça. Il disait, là, on a l'impression des poupées gigognes. Vous entendez quoi par là? Bon, on est dans un milieu, mais on entend un autre milieu qui l'englobe et on imagine encore qu'il y a encore... C'est les poupées gigognes, vous voyez, un fait d'inclusion. On est contenu dans quelque chose, mais il y a autre chose qui l'environne. C'est cette chose-là. Pas besoin de bouger dans ce cadre-là, souvent les espaces de séjour sont liés à ça, par exemple. Mais voilà, c'est tout. C'est trois dimensions différentes. Parfait. On écoute un exemple justement d'inclusion qui s'appelle les cours emboîtées. Je ne sais pas, Grégoire, si tu connais encore par cœur tes enregistrements et tout ça. Il s'agit de cours emboîtés. Est-ce que tu peux un peu nous décrire? En fait, je ne me souviens plus exactement du contexte d'enregistrement de cette chose-là, mais je l'aperçois toujours comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous entendez quelqu'un qui sort sans doute de chez lui, qui descend un escalier, mais en fait, il est contenu dans quelque chose qui, lui-même, renvoie à quelque chose qui l'entoure. C'est le passage des émergences alentour qui donne cette sensation de deux espaces emboîtés. Voilà. C'était pour moi des choses qui sont intéressantes parfois à vivre. Par exemple, votre balcon, enfin, vous voyez, moi je travaille sur des objets ordinaires, hein, c'est des choses très très banales, mais pour lesquelles on peut avoir des expériences qui sont enrichissantes, qui nous font appréhender les choses différemment. Voilà. Je trouvais ça intéressant. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un habitant. Et si j'ai bien compris, ça devient la base ou l'impulsion de conception architecturale. Oui, c'est ça, oui. Oui, ça devient un motif de conception, en disant si je peux produire par exemple cette idée d'inclusion pour éviter justement, parce que l'acoustique, on ne va pas parler trop d'acoustique, mais c'est vrai que c'est quand même la technique de l'isolation. L'isolation, c'est je sépare en deux et j'isole et j'ai deux phénomènes étrangers l'un à l'autre. C'est une limite, mais très forte. La limite est infranchissable, la limite, à moins de mettre sa sono à fond. Mais et là, l'inclusion permet de... je ne perds pas le lien avec ce qui m'entoure. Hein. C'est un peu cette idée-là. Alors, on retrouve, évidemment, il y a du filtrage, il y a de l'effet de filtrage sur les sons qui viennent de loin. Il y a des effets de réverbération très proches sur les pattes. C'est vraiment des premières réflexions, ce qu'on appelle les premières réflexions sur les murs. Alors là, qui sont très, très sensibles au corps, parce que c'est fondamental. Les premières réflexions sont fondamentales. Donc, elles nous donnent tout de suite le rapport corps contenant, c'est simple. Et donc là, il y a des choses qui sont intéressantes du point de vue de l'espace, du vécu de l'espace, mais aussi de l'interprétation que je peux avoir du lieu et du vécu du personnel. Quoi. Bon. Mais peut-être ça nous ramène à l'idée que c'est pas uniquement évidemment l'acoustique d'un lieu qui nous intéresse, mais c'est bien la variation lors de notre cheminement, du passage d'un lieu à un autre, et cette variation d'espace sonore qui fait la richesse du quotidien, et pas l'unité absolue d'une qualité ou pas d'un lieu, mais c'est aussi la capacité qu'on a à entre guillemets, ajuster nos comportements pour aller chercher l'espace sonore qui correspond le mieux à ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, oui. Etc. Complètement, c'est une sorte de mise en ambiance personnelle qui fait que au moins, vous avez le choix de cette inclusion ou pas. Bon, ce sont des choses qui sont peut-être éliminées par une certaine conception très orientée sur des aspects d'isolation, de séparation, etc., qui sont sans doute très nécessaires, mais en même temps qui peuvent être angoissantes. Ce que je trouve intéressant dans le travail de Grégoire, puis cette partition astrologique, c'est que ça renvoie à trois éléments de composition architecturale ou urbaine qui sont vraiment des outils, quoi. C'est-à-dire c'est la question de passer, de traverser pour le premier, c'est la question de la limite. Mais c'est donc après tous les traitements acoustiques, bon, il faut aussi l'entendre quand même avec tout ce que l'acoustique, compétence acoustique peut apporter, mais des expérimentations sur des types de fenêtres, qui isole acoustiquement, mais qui laisse passer l'air, etc. Enfin, des travaux de certains doctorants récents, mais aussi de la forme d'un balcon, et de la façon de travailler un abri de bus ou des choses comme ça, qui sont vraiment sur la question de la limite. Comment est-ce qu'on traite phoniquement, peut-être ? Alors, moi, phoniquement, pour moi, acoustique, ça renvoie à mon écoute environnementale, le phonique à mon écoute plutôt paysagère. Puis le sonore, dans ce cas-là, que les trois qualificatifs, je les distingue. Pour dire l'objectif, il est plutôt pour améliorer la dimension esthétique ou sensible de la chose, parce que physiquement, fonctionnellement, ça marche bien. Quoi. Alors je trouve qu'il y a une complémentarité forte. Et puis après, l'inclusion, c'est inclusion, c'est exclusion aussi, enfin, c'est l'emboîtement. Quoi. Je sais pas, pour moi, le terme, il n'est pas tout à fait ce que tu désignes, ce que je viens d'entendre là, qui me renvoie aussi à d'autres trucs. Mais quand on conçoit un espace, alors moi j'ai plutôt fait des espaces publics comme concepteur, mais je suis absolument tout le temps dans cette logique-là. Quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets pour qu'il y ait un sous-espace dans l'espace public qui permette un peu d'intimité ou qui revalorise un peu la voix parce que je mets un auvent qui est réverbérant par rapport à une circulation qui est plus loin, où je mets de la terre à tel endroit, ça va absorber. Bon, tout ça, c'est un peu intuitif, mais dans un espace public un peu généreux, il n'est vivable et intéressant que s'il y a des sous-espaces avec des qualités sonores de nature différente. Ça ne veut pas dire plus faible ou plus fort aussi. Mais... Et donc, il s'agit toujours d'emboîter un sous-espace sonore dans un espace plus généreux. Et là, on n'est plus du tout dans l'idée de protection, de se défendre contre, qui quelquefois est utile pour qualifier une limite, mais plutôt de comment est-ce que je donne une échelle, c'est-à-dire que j'ai une conversation à micro-échelle, un rapport social, sensible, interactif, etc. Mais j'ai une ambiance autour, j'ai un milieu sonore que je n'entends pas, mais qui soutient ma conversation et qui permet une relation intime dans un espace public, par exemple, qui permet tout à coup une ouverture très forte dans la logique des rapports sociaux. Oui, mais justement, par rapport à ça, et à ce qu'évoquait Nicolas à l'instant sur le fait de se déplacer, se mouvoir, et puis aussi ce que vous disiez sur le fait d'appréhender différemment ces espaces, on va conclure avec les 10 minutes qui nous restent, avec la troisième partie, et on va se tourner vers l'expérience d'écoute en elle-même. Parce que faire l'expérience par l'écoute, eh ben, c'est justement ce qu'on a choisi pour illustrer ou parler des travaux les plus récents du laboratoire et probablement des questionnements à venir. Alors, dans ces travaux, pour commencer, il y a le projet, c'est pas vraiment dans l'ordre chronologique, mais on peut parler du projet Esquisson que Grégoire a évoqué rapidement avec les balcons, qui commence par une étude de plusieurs écoquartiers en Europe et puis qui se concrétise ensuite par le développement d'un outil d'esquisse sonore qui propose d'écouter directement ce qu'on dessine. Et donc, plutôt que de faire figurer des mesures acoustiques associées à un modèle 3D, on va faire entendre et donc on va faire vivre une expérience d'écoute associée à une modélisation pour pouvoir apprécier par l'écoute ces espaces virtuels. On peut aussi citer les plus récents travaux qui mettent la recherche-création au cœur des projets de recherche et où le sonore reprend une place centrale, comme avec le projet Bière notamment, qui était à la fois un travail européen, donc on n'a pas trop parlé de l'élargissement des terrains d'études parce qu'on n'a pas trop eu le temps, mais là c'en est un exemple parfait. Et aussi interdisciplinaire parce qu'il regroupait des chercheuses, des journalistes, des artistes et autres. Est-ce que Nicolas, tu peux nous en parler un petit peu ? Non, mais je vais en dire deux mots, mais c'est effectivement depuis quelques années, on a une proximité plus grande avec le travail artistique. Donc on travaille de plus en plus avec des artistes, on ne travaille pas sur des artistes ou sur des productions artistiques, en fait c'est plutôt des collaborations avec des artistes qui nous amènent à, je dirais, produire des dispositifs de production sonore, mais d'écoute aussi sonore située. Donc on a eu la chance avec BR, qui était un projet qui s'adressait au début aux gens en situation de vulnérabilité. Alors, ce qui était mis dedans, c'était très large, c'était le bébé, les tout petits enfants, jusqu'aux personnes âgées, les gens à l'hôpital, les gens dans les situations de guerre, par exemple, les choses comme ça. Quel rôle le son peut avoir ? Et donc on a eu, à l'échelle européenne, énormément d'exemples et de travail et d'expérimentation collective pour écouter aussi ce qui relevait de cela. Je voudrais profiter peut-être de mes deux minutes là, de ce qui était prévu pour aborder aussi que cette question de l'écoute, de l'expérience par l'écoute, c'est notre premier plateau radio. Et en fait, c'est cette idée qu'on mettrait en place un dispositif peut-être qui, au-delà de la recherche, ou par-delà de la recherche, permettrait pour la pédagogie de passer par un autre mode que la salle de classe, entre guillemets, ou l'amphithéâtre, pour générer des situations d'écoute et de dialogue différentes dans les situations. Et Lolita l'a fait à l'école de paysage, on est venu il y a 4-5 ans pour un colloque, à Blois, pardon. Et peut-être tu peux parler un tout petit peu de cette expérience. Tu veux dire du colloque qu'on a fait ensemble ? Non, paysage du plateau radio. Oui, c'est ça. C'est que, donc moi, j'enseigne dans une école de la nature et du paysage, donc à Blois. Et c'est vrai que la question de l'altérité, on en a aussi parlé ce matin, la question de l'autre, la question de à la fois comprendre l'autre, mais aussi être en capacité à se déplacer soi-même à son écoute et donc à apprendre. Ben, c'est pas si facile. Et pour des métiers qui sont des métiers d'intérêt général, comme peuvent l'être en tout cas les métiers de paysagiste, j'imagine tous les métiers de la conception spatiale, en fait, vous parlez beaucoup des autres depuis le début. Et ben, l'expérience de l'écoute, à travers la radio notamment, à travers la mise en place d'un plateau radio, mais aussi à travers des expériences pédagogiques que je ne vais pas décrire là tout de suite, mais je pense que ça participe beaucoup à mieux considérer avec qui on travaille, pour qui on travaille, et du coup, renouveler aussi comment on travaille pour pouvoir intégrer un maximum de, de voix, mais pas dans un aspect uniquement consensuel, plutôt au contraire, pour mieux cibler là où sont les tensions, là où sont les conflits, en faire des situations de projet et des attitudes de projet intéressantes. Donc voilà, moi j'adore la radio par ailleurs et je suis ravie de l'ouverture de ce plateau radio et d'être autour de vous pour cette inauguration. Merci. C'est aussi, effectivement, ça peut poser la question. C'est aussi produire du son comme mode de fabrication de la connaissance. Et ça me permet de relancer une question peut-être à Marc sur, justement, dans cette question de la recherche-création. Quelle est la place de la performance dans les recherches-créations qui peuvent être menées, dans le sens où est-ce qu'on pourrait envisager la performance comme une forme de partage, d'interconnaissance, voire de fabrication de quelque chose qui est de l'ordre de la recherche et de la création, justement. C'est un peu le question qu'on se pose sur différents projets ces derniers temps. Un avec Sébastien. Autour de le sud de Grenoble, l'arrière-pays sud de Grenoble, qui, tous les deux, ça nous intéressait beaucoup, autour de ce nœud qui, dans lequel se conjuguent à la fois les grandes infrastructures de la ville et aussi une réserve naturelle, les captages d'eau potable, la ville, dans sa fabrique dense et plutôt pavillonnaire, l'agriculture qui reste aussi dans cette plaine. Et une des questions qu'on avait, c'est comment sonne ce territoire ? Comment la faire ? Je me lance dans la description concrète d'un projet, parce que ça permet de répondre à la question, parce que c'est pas pour rien qu'on le fait. Et puis... Alors l'idée qu'on a eue, c'était ces questions, comment sonne ce territoire ? Alors c'était un exercice collectif d'enregistrement sur 8 différents lieux, sur ce territoire de à peu près 5 km². On a enregistré le même 40 minutes, qui se passe tous les 3 mois, à midi, le premier mercredi du mois. C'est le moment où tous les sirènes d'alarme sonnent ce territoire. Alors c'est à la fois les sirènes des pompiers qui sont là pour avertir en cas de grand désastre, surtout des plateformes chimiques, alors qui nous annoncent notre voisinage atmosphérique, et aussi les sirènes du TRAC qui sont là pour annoncer une rupture de barrage. Et là, c'est le fait qu'on partage tous le même bassin versant, le même bassin hydraulique. Et ce qui nous intéressait, c'était d'enregistrer à différents lieux et surtout de le réécouter. De le réécouter en termes de remettre cette spatialité de l'enregistrement dans l'écoute. Alors de réintroduire d'une manière le mouvement dans l'écoute. Alors ce qu'on a fait concrètement, c'était une installation sonore. Une sorte de cartographie sonore où on pouvait se balader. Et on pouvait balader dans ce territoire. Et on a refait cette expérience avec un collectif de musiciens, musiciennes, qui s'appelle Apnée de Grenoble, où on les a demandé d'intervenir sur le territoire. Et ce qui nous intéressait, c'était de vraiment rester avec le moment d'écoute et d'essayer de mettre en dialogue, en confrontation, différents types d'écoute dans laquelle, d'une manière, le résultat, ce n'était pas trop un rapport, mais plutôt une performance, une installation sonore. Au moment où les sirènes sonnent ? On ne l'a pas dédoublé comme ça. Je vous propose, puisqu'on est un tout petit peu en retard, mais on peut se permettre une ou deux minutes de retard, qu'on écoute quand même un extrait de ces prises de son. C'est Jules ici, je suis environ 300 mètres de la ferme de Malissol et à l'est 200 mètres d'un ce qui semble être un château dans un magnifique petit verger de platane bien entretenu avec au fond, je regarde le sud-ouest, il y a une magnifique aussi haie de bambous, de diverses espèces de bambous. Le paysage sonore. C'est ça. Ah. C'est très beau ce qu'on entend, mais je me disais, et on entend depuis le début de l'émission, un déplacement depuis les centres-villes, depuis les cours habités, depuis l'intérieur des bâtiments, depuis les espaces semi-privés, les rues, et on se déplace là vers plus haut dans la ville, dans les montagnes. On imagine aussi le questionnement autour des outils, des infrastructures, la hydraulique, un agrandissement et une diffusion aussi de ces travaux sonores sur d'autres paysages que les paysages très urbains. Mais c'est tout autant des paysages très urbains, le paysage de la sirène, mais c'est juste d'autres échelles. Oui, tout à fait. En même temps, c'est un retour que Murray Schafer, il est parti de là. Alors pour préciser le contexte de ce qu'on vient d'entendre, c'est que, comme l'a dit Marc, il s'agit d'un très beau montage d'ailleurs fait par Sébastien de Perta en stéréo, mais il s'agit à l'origine d'une pièce qui est faite pour être diffusée en spatialisée, donc en multicanal, et donc justement pour aller au-delà de la spatialisation et de la stéréo, du côté du champ stéréo et du côté frontal du paysage aussi, et de réfléchir à ces questions de comment on a un petit peu évoqué ce matin, mais comment on recompose et comment on respatialise des choses et comment on plie du son dans du son, etc. Mais c'est des sujets qu'on abordera plus tard dans la semaine, puisque je vous propose de s'arrêter sur cette belle écoute. Merci à tous pour ce premier plateau radio de l'École d'architecture de Grenoble et du laboratoire. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.